cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Quand les lumières arrivent en ville, les végétaux battent le pavé. Chlorophylle, photosynthèse. En 1788, paraît Les Jardins ou l'art d'embellir les paysages. C'est un long poème de l'abbé Delille qui nous explique le doux chant. Printemps revient, ranime à la fois les oiseaux, les zéphyrs, les fleurs et ma voix. Cette voix qui fait un écho à celle de Voltaire dans son Candide au XVIIIe siècle, qui expliquait, nous le savons tous, il faut cultiver notre jardin. Émilie-Anne Pépi, bonjour. Bonjour. Nos villes ont toujours été végétalisées. Au XVIIIe siècle, nous imaginons la ville par ses bâtiments. La définition de la ville, c'est le bâtiment, mais il y a déjà énormément d'espace laissé aux végétaux. Tout à fait. Donc, c'est une ville végétalisée avec ses jardins, bien sûr, mais il faut aussi penser à des espaces plus libres, type friches, qui sont peuplés de végétaux, sans oublier les jardins alimentaires, les jardins pour la consommation des individus, qui sont également extrêmement importants. Et dans ces jardins, dans ces espaces laissés pour les végétaux, il y a aussi la nécessité, parce que sans réfrigérateur, il est difficile d'apporter du lait, il faut des vaches, et pour ces vaches, il faut des prés. Également, nous trouvons, oui, tout à fait, des espaces libres laissés aux cultures, même si elles tendent à se réduire au XVIIIe siècle, parce que nous sommes dans une période où l'urbanisation va croissant, nous sommes dans une période de croissance démographique, donc plus d'habitants pour les villes, plus d'habitants à nourrir aussi, mais des habitants à loger, et donc du bâti qui gagne, qui s'empare d'espaces autrefois laissés au pâturage et aux cultures diverses. Vous avez évoqué ces jardins qui pourraient être qualifiés de jardins d'agrément. De quand datent-ils ces jardins? Il y a un moment dans notre histoire où l'on voit apparaître l'envie de jardin au cœur des villes. Le jardin d'agrément des élites, c'est vraiment une invention du XVIIe siècle. Donc, dès le début du XVIIe siècle, autour de la cour, avec des personnalités comme Catherine de Médicis, c'est l'Italie qui plaît, c'est l'Italie qui séduit. Et donc, on veut des espaces de promenades ombragées où on peut aller à pied, plus souvent en carrosse, et paraître. Donc, le jardin, c'est un espace de civilité, de sociabilité qui apparaît à ce moment-là. Et ensuite, ce désir va croissant et c'est une tendance que l'on retrouve au XVIIIe siècle avec une nouvelle dominante, qui serait une dominante sanitaire aussi, c'est-à-dire que le végétal aère la ville, purifie la ville, éloigne les pathologies urbaines. Et puis dans cette idée de jardin d'agrément, vous l'avez dit, c'est lié à la cour, mais tous ces aristocrates ont une vie d'itinérance. Ils se déplacent beaucoup, ils connaissent très bien les mondes végétaux, ne serait-ce que quand ils vont dans leur château. Oui, lorsqu'on fait partie de la meilleure aristocratie de France, il est d'usage d'avoir une résidence au moins en ville, à Paris, une également à Versailles, et puis les châteaux de famille qui peuvent être dispersés un petit peu partout. Donc ce sont des aristocrates qui pour beaucoup sont des botanophiles au XVIIIe siècle, qui pratiquent donc l'agronomie à des fins récréatives. Et Florent Quélier, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, part de cette arboriculture. Donc on produit des fruits, des beaux fruits qu'on offre à ses amis dans un souci de paraître. Et ça, c'est une tendance qui est vraiment généralisée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ah oui, c'est de bon ton d'avoir dans son jardin des essences un peu rares qui peuvent surprendre les visiteurs. Totalement. Donc cette pratique de la collection porte tout autant sur des végétaux d'agrément que sur des végétaux que l'on consomme. Donc des arbres fruitiers, par exemple. Et il y a des espèces qui sont tout particulièrement recherchées. Et là, ce sont les chartreux de Paris qui ont une des meilleures pépinières et qui dispensent leurs plants, moyennant finance, donc à ces élites. Émilie-Anne Pépi, et puis il y a d'autres végétaux, alors là, beaucoup moins d'apparat, mais il y a l'espace micro-cultivé pour l'utilité. Je pense, vous allez me contredire, mais je l'imagine, que chacun, dès qu'il a, alors ne... peut-être pas un petit bout de terrain, mais un pot, eh bien, peut faire pousser quelque chose. Il y a énormément de végétaux dans ces villes du siècle des Lumières. Oui, tout à fait. Donc, on pense aux jardins cultivés pour la production de fruits et de légumes. Lorsqu'on a la chance d'être un propriétaire, mais ça, en fonction des stratégies familiales, ça peut être quelque chose d'assez commun, y compris dans des catégories moyennes, on va dire. Et puis, il faut aussi penser à toutes les herbes médicinales, où là, on a des professionnels, souvent des femmes, des herboristes, donc, qui sortent de la ville, qui vont sur l'endroit des fortifications et qui peuvent trouver un certain nombre d'herbes qui servent de remède. Donc ça, c'est aussi un phénomène qu'il est intéressant d'observer pour le XVIIIe siècle. Ah oui, les marges des fortifications, la zone. La zone. Voilà, la zone, ce mot qui est très ancien régime, quand on va zoner avec des zonards. Il n'y a pas que cela, parce que les fleuves eux-mêmes, dans ces grandes villes de France, ne sont pas encore avec des quais qui leur permettent de rester dans leur lit. Il y a des espaces aussi, là, tout autour des cours d'eau. Tout à fait. Donc, ces fleuves, ces rivières sont mariées en quelque sorte aux villes, hein, parce qu'il faut bien penser qu'il y a beaucoup d'activités qui dépendent du fleuve. Amener du bois pour le chauffage, ça passe par les fleuves. Amener des sacs de céréales, ça passe souvent par les fleuves. Donc, on a beaucoup d'activités professionnelles. On peut aussi penser aux blanchisseuses, à celles qui lavent le linge donc dans ces fleuves ou aux bains publics. Et donc les berges de fleuves, ce sont vraiment des lieux qui servent à tout, y compris aux parties du foot de l'époque, hein, les jeux de ballon, jeux de quilles qu'on pratique sur ces endroits, sachant que les gens savent très bien que lorsque l'eau du fleuve monte au fil du rythme des saisons, il faudra libérer ces espaces qui seront noyés une partie du temps et qu'on récupère ensuite. Donc ce sont vraiment des espaces très intéressants à observer. Émilie-Anne Pépi, vous êtes maîtresse de conférence en histoire moderne à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Vous êtes la co-autrice de cet ouvrage « La ville végétale, une histoire de la nature en milieu urbain en France », co-écrit avec Charles-François Matisse. Et puis de « Paysages inhumains », publié aux presses universitaires Savoie-Mont-Blanc avec Hélène Schmutz, Olivier Chavanon et Dominique Petit. Dans cette étude, l'historienne que vous êtes, du végétal en ville, j'imagine qu'il y a un regard sur les plans, les cartes. Est-ce que cela apparaît? Est-ce qu'il y a une attention portée au moment de cartographier, de faire un plan d'une ville sur les espaces végétaux? Votre remarque est tout à fait pertinente dans la mesure où, lorsque l'historien, l'historienne cherche les archives, les cartes et plans, les documents iconographiques sont vraiment extrêmement précieux. Et donc là, on en a à foison pour le XVIIIe siècle. On a aussi bien des plans de prestige que des cartes qui servent à l'ingénieur, des cartes topographiques pour les travaux sur le terrain. Et donc là, un plan comme celui de Turgot pour Paris, qui date des années 1740, va être par exemple très précieux parce que finement, il représente ces espaces végétalisés. Donc on voit notamment l'importance des couvents, qui sont des grands propriétaires fonciers, et où là, les jardins sont plus des jardins de rapport, hein, destinés à procurer leur alimentation aux religieux ou religieuses. Donc ces cartes et plans sont extrêmement foisonnants et précieux. Dans cette lecture de l'urbanisme du XVIIIe siècle, vous nous évoquez des espaces qui me semblent clos. Vous parlez de jardins. Aujourd'hui, dans nos villes, les végétaux sont partout parce qu'il y a des arbres plantés. Ce n'est pas le cas au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le végétal reste cantonné à des espaces précis. Ça commence à évoluer au XVIIIe siècle, parce que là, vous évoquez une ville minérale sur le modèle de la Renaissance, donc XVIe, XVIIe siècle, où effectivement, on architecture la ville lorsque l'on crée notamment des nouvelles rues, des nouvelles perspectives. Au XVIIIe siècle, il faut bien penser que les remparts ne sont plus tellement utiles dans beaucoup de villes, et donc, en faisant disparaître les remparts, on gagne de l'espace. Et là, s'implantent ce qu'on appelle les boulevards. Donc les boulevards, il faut imaginer plusieurs allées, c'est pas simplement une avenue rectiligne, mais plusieurs allées qui sont ombragées. Et le boulevard sert à la fois à la circulation, mais il sert aussi à la promenade. Donc toujours une promenade dans le but de paraître, dans le but d'échanger avec ses amis et pour les aristocrates, faire des concours sur qui aura le plus beau carrosse. Oui, c'est important ça, se montrer toujours dans cette réflexion. Bien sûr, il y a l'exemple parisien, nous le connaissons, mais tout ce que nous évoquons depuis le début de cette émission s'applique à plein de villes. Bien sûr, donc pour le modèle français en tout cas, il est certain que toutes les villes moyennes et a fortiori les villes de plus grande taille connaissent les mêmes évolutions urbanistiques et donc cette tendance au XVIIIe siècle d'amener le végétal dans la ville, donc faire disparaître les remparts pour mettre en œuvre des promenades ombragées, essayer de mettre en œuvre des jardins publics pour aérer la ville. Tout ça, ce sont des choses que l'on retrouve un petit peu partout. Hein. Donc, à Bordeaux, par exemple, il y a un intendant, Tourny, qui est extrêmement volontariste dans ce domaine et qui est un fervent pourfendeur de la zone. Donc il veut démonter le château Trompette, qui est une vieille fortification, pour mettre des jardins, des allées ombragées à la place. Bon, il se heurte un petit peu à la résistance du pouvoir royal, mais il finit par y arriver. Oui, parce que toute cette politique qui végétalise la ville au XVIIIe siècle, nous la retrouvons aujourd'hui. C'est vrai que toutes ces promenades, eh ben, si nous regardons les plans de nos villes, nous pouvons encore les lire. Mais quels sont les types de jardins que nous trouvons en ville ? Les jardins privés de nos grandes villes sont de petits jardins. Souvent, ils n'excèdent pas 200 mètres carrés. Ils sont souvent clos de murs. Et leur conception est en étroite liaison avec celle du bâtiment dont ils sont une étroite dépendance. Par conséquent, leur tracé sera un tracé régulier dont les axes coïncideront avec ceux de l'habitation. Donc, vous rejoignez le nôtre qui, lui aussi, aimait les tracés réguliers et qui concevait évidemment ces parcs comme des dépendances, je crois, des grands bâtiments qui les entouraient. Tout à fait. Et il en est d'ailleurs de même pour les jardins collectifs de jeux et de sport. Et la troisième catégorie de jardins ? Les jardins publics. Eh bien, les jardins publics se placent aujourd'hui dans un cadre de bâtiments ordonné. Par conséquent, il n'est pas surprenant que l'on retrouve dans le jardin public une composition également régulière qui cadre avec celle des bâtiments qui l'encadrent. C'est en 1950 que l'urbaniste, architecte paysagiste Robert Joffet s'exprimait au micro de Georges Charansol. C'est dans l'émission L'art et la vie. En 1950, cette notion de jardin public est d'accord, elle est pertinente, mais au XVIIIe siècle. Jan Sinowiecki, bonjour. Bonjour Xavier Meunier. Est-ce que c'est pertinent, cette notion de jardin public au XVIIIe siècle ? Absolument. Les jardins s'ouvrent au public, c'est une réalité indéniable. Et dans Paris, c'est par exemple le jardin des Tuileries. C'est le jardin du Palais Royal, qui est un jardin princier. C'est le jardin du Roi, qui est un jardin botanique, mais qui ouvre à la promenade publique. C'est aussi le cas du jardin du Luxembourg, où l'on se promène. Mais alors attention, le jardin est ouvert au public, mais pas n'importe quel public. Ah, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les bourgeois, les aristocrates, le clergé, fréquentent assidûment les jardins. Mais, théoriquement, selon les règlements royaux et les ordonnances royales, le menu peuple, c'est-à-dire tout cet univers de la domesticité urbaine, les laquais, les gens de livrée, les domestiques, les portefaix, tout cet univers de la domesticité urbaine est soigneusement exclu des jardins royaux. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne pénètrent pas dans les jardins, puisque les gardes suisses qui sont censés assurer la régulation à l'entrée des portes du jardin se montre parfois plus ou moins conciliant. Et en réalité, ces populations-là parviennent à pénétrer dans l'enceinte du jardin. Mais en principe, ils sont théoriquement exclus des jardins parce qu'on estime que le menu peuple, la ville populace est incapable de se contrôler dans les jardins et qu'elle saccagerait les parterres de fleurs, etc., etc. C'est intéressant parce que vous avez utilisé Paris en ses jardins, nature et culture urbaine au XVIIIe siècle, c'est le titre de votre ouvrage. Jan Sinowiecki. Ces jardins royaux ont laissé énormément d'archives et de sources. Tout ce que vous nous dites là, eh bien, les nécessités de surveillance, les problèmes de préservation des végétaux, tout ça transparaît dans les archives. Absolument. Et quand on se rend aux archives, en particulier aux archives nationales, qu'on ouvre les cartons qui sont consacrés au jardin des Tuileries, au Luxembourg, au jardin du Roi, en fait, on a une vision qui est radicalement différente de ce que l'on peut observer dans les textes théoriques ou la littérature secondaire qui porte sur les jardins et qui les magnifie comme des écrins de verdure parfaitement contrôlés, maîtrisés. Et ce que l'on voit dès que l'on se penche sur ces cartons d'archives, ce sont des contestations, des conflits en permanence et en fait une vision de la nature urbaine qui n'est pas du tout domestiquée et contrôlée selon le bon vouloir du pouvoir royal. Et cette idée qu'il y aurait eu par exemple un absolutisme environnemental, une rationalisation de la nature à partir de Louis XIV et de Lenôtre, en réalité dès qu'on pénètre dans les archives, c'est tout un autre univers qui s'offre à nous, un univers fait de micropartages, de contestations, de riverains qui prennent la plume pour écrire à l'administration royale, pour lui faire part de ses revendications et pour participer pleinement à la définition de la nature en ville. Donc on a une nature en fait qui est profondément négociée en permanence et ça c'est très intéressant. Emilienne Pépi, en écho à ce que nous venons d'écouter là, c'est cette différence qui existe entre le texte théorique et la réalité, mais ça on le sait bien, mais même entre toutes les représentations, parce que dans cette histoire, comme source exceptionnelle pour l'historien, pour l'historienne, il y a toutes ces gravures avec ces beaux jardins. En fait, il y a quand même ce décalage qui existe entre la réalité du jardin du XVIIIe siècle dans la ville. C'est pas aussi beau qu'on le souhaiterait. Effectivement, ce que l'on peut dire, donc, c'est que ces jardins nécessitent toute une ingénierie, et c'est ce qu'expliquait Jan Sinowiecki à l'instant. Autrement dit, il faut imaginer des jardins qui sont des espaces végétalisés avec des végétaux souvent exotiques, des végétaux que l'on fait venir à grands frais et qui posent des défis, de véritables défis pour les faire pousser. On a également un problème qui pourrait paraître futile, mais qui est un réel problème pour les acteurs des jardins de l'époque, gérer les déchets végétaux. Qu'est-ce qu'on fait avec les feuilles mortes? Qu'est-ce qu'on fait avec les branchettes qui pourraient empêcher les carrosses de passer? Donc tout cela fait l'objet d'une attention sourcilleuse de la part de cette administration qui veille par exemple à vendre en adjudication les arbres morts et puis à remplacer bien sûr les arbres lorsque le besoin s'en fait sentir, la sénescence et les plaintes de riverains effectivement nous donnent énormément d'informations sur cette cohabitation entre le végétal que l'on voudrait toujours soigneusement ordonné, bien taillé, très architecturé, hein, avec cet art aux pierres, donc l'art de tailler les buissons, et d'un autre côté, les préoccupations des riverains qui sont un petit peu les mêmes que les nôtres, hein, ne pas glisser sur des feuilles d'arbre, ne pas prendre une branche dans le visage lorsqu'il y a une tempête, et éviter l'ombre qui viendrait obscurcir les pièces des belles demeures. Donc là, on trouve beaucoup de plaintes à ce sujet, comme on en trouverait aujourd'hui. Oui, voilà, ce sont ces constantes aussi qui nous intéressent. Les soucis de nos ancêtres sont bien souvent nos soucis. Jan Sinowiecki, dans ces jardins que vous avez étudiés à Paris, vous retrouvez hein, toutes ces questions-là, mais dans l'idéal de ce jardin, quel serait-il? Alors là, dans le texte normatif, même dans le plan de préparation, comment doit-il être ce jardin? Alors, il est de plus en plus conçu comme, Emiliane Pépi l'a dit, un espace de promenade. Donc il est aménagé en fonction des impératifs de la promenade. Et par exemple, quand le jardin des Tuileries est réaménagé dans les années 1660 par Le Nôtre, il est organisé avec un système d'allées et de contre-allées spécifiquement construites pour la promenade. Donc d'abord, c'est un espace qui va être construit en fonction des normes sociales de la promenade, des normes de civilité de la promenade. Ensuite, on attend, théoriquement, une franche séparation entre les hommes et les végétaux. Dans l'idéal, on attendrait justement des hommes qu'ils n'empiètent pas sur les plates-bandes, qu'ils maintiennent une distance honorable entre eux-mêmes et les plantes. Donc ça, ce sont des prescriptions qui reviennent comme des leitmotifs dans les sources en permanence. Évidemment, ces prescriptions se heurtent toujours à la réalité qui est beaucoup plus complexe. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces espaces qui deviennent donc des espaces de promenade dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, eh bien, il faut imaginer qu'au tout début, les jardins, notamment les Tuileries, étaient des espaces dévolus à la chasse et aux activités royales. Par exemple, les Tuileries étaient un parc de chasse. Louis XIII s'adonnait à la fauconnerie, à l'oisellerie. On chassait du sanglier également dans les Tuileries. Donc on a vraiment une transformation, vous voyez, des usages du jardin tout au long du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle. Les gens qui iraient jeter un petit œil là comme ça par-dessus les grilles des Tuileries, donc au XVIIe siècle, trouverait quelque chose qui ressemble à quoi? Une simili-forêt complètement fantasmée où il peut y avoir du gibier? Alors, dans la première moitié du XVIIe siècle, oui, effectivement. Et à partir de la seconde moitié du XVIIe, quand le jardin ouvre au public, non. La faune cynégétique est complètement bannie du jardin. Donc on va retrouver d'autres animaux, par contre. On va retrouver des chiens, par exemple, qui ne sont pas encore en laisse, puisque la laisse ne s'impose dans la culture matérielle qu'à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On va retrouver des chiens, des chats, mais même s'ils apparaissent moins dans les sources. Et puis des animaux parfois plus nuisibles, les corbeaux, qui défèquent sur les passants. Les chenilles, qui sont une microfaune difficilement visible, mais qui échancrent parfois les feuilles des arbres. Les taupes, j'imagine. Les taupes, absolument. Les mulots, les loirs, et la monarchie n'est pas avare en dépenses financières pour pouvoir lutter contre tous ces nuisibles qui posent de sérieux problèmes aussi à la végétation. Oui, parce que dans ces jardins royaux, nous avons un espace très particulier qui a changé, vous nous l'avez dit, mais qui ressemble à ce que sont les Tuileries aujourd'hui. Le jardin du Luxembourg, par exemple, tel qu'il est aujourd'hui, est-il un peu comparable à celui qu'il a pu être au XVIIIe siècle? Absolument, la morphologie de ces jardins n'a pas beaucoup évolué. Le jardin du Luxembourg s'accroît très légèrement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle avec justement un certain nombre de projets d'aménagement. Mais ce sont des jardins dont la morphologie a finalement assez peu évolué. Ouais, c'est ça, les jardins n'évoluent pas tant que ça et nous les trouvons sublimes. Bien sûr, ils sont sublimes, ces jardins tels qu'ils sont présentés sur les gravures. Et pourtant, quand nous lisons les sources, nous sentons poindre quelques critiques. Comment pouvez-vous supporter la vue de vos symétriques Tuileries et la promenade de votre maussade palais royal, où tous vos arbres sont estropiés en tête de chou et où l'on étouffe, quoiqu'on ait pris tant de précautions, en élaguant, coupant, brisant, gâtant, pour vous donner un peu d'air et d'espace. Que faites-vous ? Où vous êtes ? Ô main sacrilège ! Vous le devintes, lorsque vous quittâtes la bêche pour manier l'or et les pierreries. Vous quittâtes la bêche. Il ne faut pas quitter la bêche. Très utile, une bêche. Olivier Martineau qui lisait un extrait d'une lettre de Diderot, donc au XVIIIe siècle, qui râle un petit peu sur ses jardins. Qui sont les acteurs de cette végétalisation de la ville? Émilie-Anne Pépi, un homme comme Diderot évoque ici les grands jardins, les jardins royaux dont nous parlions. Mais qui sont les autres acteurs au-delà du roi en ces jardins? Donc on trouve des acteurs qui sont liés aux pouvoirs urbains, aux pouvoirs municipaux, qui trouvent leur mot à dire, alors peut-être moins à Paris, qui dépend quand même de l'administration de la Maison du Roi, que dans d'autres villes du royaume, où là, on peut avoir donc des intendants aussi, qui mettent la main à la pâte et qui proposent un certain nombre d'aménagements. Donc j'ai donné tout à l'heure l'exemple de cet intendant bordelais qui était extrêmement actif dans ce domaine. Il me semble que cette belle lettre de Diderot fait aussi... allusion à une question esthétique, dans la mesure où Diderot critique le jardin à la française avec ses allées rectilignes et son végétal très architecturé. Donc dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et particulièrement en France après les années 1770, s'impose un nouveau modèle esthétique et il y a de nouveaux jardins à la mode. Donc tout ce qui compte, tout le gratin de la société de l'époque fait en sorte d'avoir un jardin à l'anglaise. Le jardin à l'anglaise, c'est un jardin avec des allées qui sont sinueuses et qui laissent apparaître des perspectives végétales sur des arbres originaux, par exemple exotiques, et qui laisse voir ce qu'on appelle des fabriques, c'est-à-dire des petits éléments bâtis qui imitent des moulins, des temples grecs, des tombeaux gothiques. Et donc là, l'imagination est foisonnante pour les artistes pour créer ce type de panorama. Donc Diderot remarque peut-être l'implication à la fin du XVIIIe siècle de ces élites, donc ce monde de la finance, ces aristocrates qui rivalisent, notamment à Paris, pour avoir ce qu'on appelle des folies. Donc il s'agit là de jardins de plaisir qui sont aussi ouverts au public. Alors certes, un public choisi, comme Jan Sinoyevski l'a dit tout à l'heure, mais un public quand même. Et on visite la Folie Beaujon, on visite Bagatelle. Donc tout ça, ce sont de magnifiques jardins à l'anglaise de la fin du XVIIIe siècle qui contribuent petit à petit à végétaliser les entours de la ville. C'est-à-dire c'est une ville qui croît, les faubourgs se déplacent vers l'extérieur des villes et il s'agit d'une nouvelle forme d'introduction du végétal. C'est Diderot, bien sûr, philosophe des Lumières. Y a-t-il une réflexion politique dans ces jardins, notamment dans ce débat, cette discussion autour du jardin à la française et du jardin à l'anglaise? Est-ce qu'être partisan du jardin à l'anglaise, c'est montrer que l'on est porteur du progrès et que l'on conteste un peu le jardin à la française, beaucoup trop rigide? Effectivement, on voit toute une frange de l'aristocratie qui se donne à voir comme libérale et qui, de fait, est libérale. Je pense au La Rochefoucauld, par exemple, et qui prennent fait et cause pour ces jardins à l'anglaise, pour tout ce qui vient d'outre-Atlantique également, que ce soit les plans d'arbres ou les formes végétales. Donc ce sont des gens qui sont vraiment botanophiles, qui sont aussi agronomes et qui s'inspirent d'un modèle à l'anglaise où l'agriculture est vue comme étant rénovée. Donc il y a aussi des projets économiques derrière cet engouement pour l'agronomie qui certes s'applique au jardin de plaisir, mais qu'on va retrouver aussi dans la gestion des domaines de ces grandes familles. Et nous savons combien le roi n'est pas enfermé à Versailles. Il regarde tout ce qui se passe dans son royaume et notamment l'influence de la philosophie des Lumières. Jan Sinoyevski, est-ce qu'il y a une influence, est-ce qu'il y a une évolution pour ces jardins royaux à Paris? C'est-à-dire que voyez-vous évoluer ces jardins selon les modes du moment, selon l'influence anglaise par exemple? Alors oui, en effet, c'est ce qu'a décrit Émilie-Anne Pépi comme phénomène, cette construction dans les faubourgs de la ville de folie, qui sont des jardins aménagés par de riches aristocrates. Donc on a une évolution effectivement à la fois théorique et conceptuelle et aussi dans la pratique. Alors ce glissement vers une valorisation, voire une survalorisation du modèle à l'anglaise, elle se concrétise par la création de jardins ex nihilo dans des espaces qui n'étaient jusque-là pas ou peu urbanisés. En revanche, cela est très peu évident pour les jardins des des Tuileries du Luxembourg qui conservent leur aménagement. Mais ce qui me semble également très intéressant, c'est que précisément, cette nouvelle mode du jardin anglo-chinois, elle répond aussi à une préoccupation qui est une véritable, il me semble, urbaphobie, c'est-à-dire cette anxiété que partagent les milieux politiques et ministériels d'une extension immodérée et incontrôlée de la ville en dehors de ses limites. Et d'où la nécessité d'introduire des espaces végétalisés et verts au sein de la ville, et là à la fois les naturalistes, les médecins, les architectes plaident tous à l'unanimité pour la construction de jardins au sein de la ville pour des raisons urbanistiques. Parce que il y a cette anxiété d'une ville, et en particulier de Paris, d'un Paris qui deviendrait littéralement incontrôlable, une sorte de Babylone des temps modernes qui s'étendrait sans limite, ce qui la rendrait beaucoup plus difficilement contrôlable, et d'autre part, beaucoup plus difficile à approvisionner. Oui, et puis ce sont des villes où les égouts n'existent pas. Et on sait dès lors combien une ville qui accueille de plus en plus de population peut être envahie par tous ces déchets. Vous avez parlé des naturalistes, des médecins, des urbanistes qui prônent la nécessité d'un jardin. Ils ne sont pas les seuls, il y a les acteurs aussi. Michel Simon. Et dire que quand je me suis installé ici, des amis me conseillaient de prendre un architecte paysagiste et me transformer tout ça. Ça aurait été bien dommage. Alors voilà mon jardin. C'est le potager. C'est le potager. Voyez tout ça? Oui. Ça vous dit rien? Ben, ce sont des navets, non? Exactement, oui. Voilà, j'ai tourné 137 films. Oui. Vous comprenez? Alors. Et là, ces grandes fleurs jaunes là-bas? Alors ces grandes fleurs jaunes, ce sont des soleils qui ont été plantés par le perroquet. Comment ça? Et repiqués ici. Oui, il jetait les graines de soleil, vous verrez sa cache tout à l'heure, autour de lui, puis alors elles ont poussé, et alors j'ai replanté ces soleils. Et tout ça, donc, tout potager, tomates, choux, haricots, vous suffisez à vous-même? Vous voyez, de tous les conseils qu'on m'a donnés dans la vie, j'en ai retenu un, celui de Voltaire. C'est-à-dire? Cultive ton jardin. Ben voilà, très bon conseil de Michel Simon dans l'émission Au-delà de l'écran 1964 et dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique d'Ali. Il y a Voltaire, évidemment, il faut cultiver son jardin, Émilie-Anne Pépi. Cette notion de jardin est très importante du point de vue philosophique, nous l'entendons, mais c'est intéressant de voir combien la ville des Lumières se transforme. C'est en se plaçant là où sont les contemporains, ils regardent autour d'eux et ils voient cette évolution. Est-ce qu'ils assistent à une végétalisation de la ville? Les contemporains sont, il me semble, de plus en plus sensibles au monde végétal. Parce que d'une part, on a ces transformations esthétiques de l'espace urbain. Les boulevards ne passent pas inaperçus lorsqu'on les ouvre. Les grands hôtels particuliers ornés de jardins à la française ou à l'anglaise se voient également dans l'espace. Mais surtout, il me semble que les franges de la population qui ont accès aux livres, qui ont accès à l'éducation, se tournent de plus en plus vers l'étude de la botanique. Et il s'agit là d'une discipline scientifique qui est encouragée dans la mesure où se créent des cours publics. Donc c'est le cas notamment au Jardin du Roi à Paris, qui est un véritable centre de recherche sur le végétal, et où tout un chacun peut assister à des cours diffusés par de fameux botanistes. Donc par exemple, là encore, la population éclairée peut assister à des cours de Jussieu, et l'historien, l'historienne dispose d'archives, des cours donc rédigés par les élèves qui patiemment ont écouté comment se classent les plantes dans les fameux systèmes botaniques. Donc il me semble que ça, c'est vraiment un facteur qui fait bouger les lignes et qui rend plus sensible au végétal, à sa subtilité, au foisonnement de ce monde, des gens qui auparavant n'en avaient peut-être pas idée. Voilà, c'est ce jardin du roi, aujourd'hui appelé le jardin des plantes. Absolument, et je voulais rebondir sur ce que disait Émilie-Anne à ce sujet, et ce qui me frappe, c'est de voir à quel point, dès les années 1770-80, des lecteurs assidus, par exemple, du Journal de Paris, qui est le premier quotidien en France, qui paraît quotidiennement, à partir de 1777, prennent la plume et écrivent des articles, alors soit sous couvert de leur véritable nom, soit sous des pseudonymes tout à fait farfelus, mais écrivent des articles pour réclamer davantage de végétal en ville. On voit par exemple, si mes souvenirs sont exacts, en 1788, un certain baron de Sunder qui demande de déplacer le marché aux fleurs sur le quai des Théatins, qui serait rebaptisé pour l'occasion « Marché aux fleurs ». quai aux fleurs, et avec l'idée que l'on va pouvoir aussi bien trouver des estampes, des tableaux de peinture, des livres, mais pouvoir aller acheter des lilas, des genévriers, etc., etc., des œillets par exemple. Et on réclame par exemple dans le journal de Paris et dans ses colonnes la construction de jardins sur le modèle du gazon britannique à la fin des années 1780. On réclame également que ne subsiste absolument aucun espace vierge de plantation au sein du bois de Boulogne, qui est plutôt un espace de chasse là aussi à l'époque. Et donc ce sont des préoccupations qui me paraissent de plus en plus partagées par, sinon les élites de la ville, du moins par les promeneurs et les lecteurs assidus du journal de Paris. Des préoccupations de ces lecteurs, vous avez cité le bois de Boulogne, oui c'est vrai qu'il y a aussi ces bois qui sont à prendre en compte, que ce soit à Vincennes et Boulogne pour Paris, mais pareil dans plein d'autres villes, le bois est proche, Émilie-Anne Pépi. Alors, il est vrai qu'on est dans un espace urbain qui reste très perméable au monde rural. C'est peut-être moins vrai pour Paris, mais pour les villes moyennes du reste du Royaume de France à cette époque, c'est le cas. Et on peut dire que les villes sont entourées de véritables ceintures vertes, donc des ceintures maraîchères, qui résistent plus ou moins bien à la pression foncière, c'est-à-dire que parfois elles sont contraintes de se déplacer au fil des acquisitions des élites dans les faubourgs, etc. Donc là, il s'agit d'un principe de l'organisation de l'économie urbaine qui se met en place au XVIIIe siècle et qui reste en vigueur jusqu'à nos jours, même si à partir du XIXe siècle, le fait qu'on ait le chemin de fer permet d'acheminer pour l'approvisionnement des villes des fruits, des légumes qui viennent de régions spécialisées. On peut penser notamment aux régions méditerranéennes pour la France. Oui, ça change complètement. Effectivement, c'est cette longue histoire qui nous intéresse aujourd'hui et particulièrement le XVIIIe siècle. Les lumières sur la ville et les végétaux qui battent le pavé pour l'architecture des villes. Bien sûr, il faut, pour les immeubles, il faut l'architecte. Mais pour les bois, Boulogne ou Vincennes, il faut le forestier. Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et je me débats, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison. Et mes racines, on les recouvre de grille, comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles, comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu, des parkings d'honneur posthume, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes bras. Comme un arbre dans Maxime Le Forestier, comme un arbre dans la ville et dans le cours de l'histoire. Quand les lumières arrivent en ville, les végétaux battent le pavé. Au XVIIIe siècle, la ville se végétalise. Emilienne Pépi, il y a une comparaison à faire entre les différents pays. Il y a un enjeu international de ces jardins, au sens où le prestige d'une ville se mesure-t-elle à ces espaces végétaux? C'est quelque chose qui, au XVIIIe siècle, est pris en considération. Il est difficile de parler de marketing urbain au XVIIIe siècle, mais c'est très tentant. C'est très tentant notamment parce qu'on trouve des gravures qui, alors elles ne sont pas commanditées par le pouvoir en place, hein, elles viennent d'officines d'imprimeurs, et vous les avez citées tout à l'heure, ce sont des belles gravures qui représentent des gens en train de se promener dans des paysages idylliques de jardins. Donc il faut voir que ces gravures, souvent, apparaissent avec des légendes en anglais. Donc elles sont à destination d'un public touristique, et effectivement, on évalue la qualité d'une ville à la qualité de l'urbanisme et à la présence de ces espaces de promenade, donc tout ce qui est jardin public, boulevard, cour ombragée, tout cela permet à ces villes d'être attractives. Et là, il y a une véritable complémentarité, voire compétition aussi, entre Londres et Paris au XVIIIe siècle. Et oui, la concurrence londonienne, parce que Londres a bénéficié, c'est horrible de le dire, de ce grand incendie de 1666 qui a détruit une partie de la ville, mais qui n'a pas été entièrement reconstruite au sens où tout n'a pas été urbanisé. Des espaces ont été réservés à des jardins. Donc Londres, c'est quand même un modèle assez proche avec d'énormes jardins urbains. Tout à fait, et cet espace londonien séduit les visiteurs français au point que dans l'aristocratie, il est courant de faire un voyage d'Angleterre qui est marqué par la jardinomanie, c'est-à-dire que le but c'est de faire de la tournée des jardins. Pas seulement, on visite aussi le Parlement, on cherche à avoir un entretien avec le roi, George III par exemple se prête facilement à l'exercice, mais il est vrai que ces jardins à l'anglaise fascinent, et on a aussi un modèle à Londres qui est celui du Vauxhall, et ce modèle se retrouve ensuite du côté de Paris avec des jardins qui sont des jardins de plaisir, un petit peu comme l'ancêtre de Disneyland, on acquitte une modeste somme pour entrer, bon, qui toutefois permet d'écarter les gens du menu peuple qui ne pourraient pas s'offrir ce genre de loisirs. Et on se retrouve dans ces jardins de plaisir où on peut consommer de la limonade, assister à des concerts, regarder des pièces de théâtre et déambuler donc dans ce décor végétalisé un petit peu artificiel avec une pagode chinoise qui voisine un temple grec. Et on peut également consommer, acheter des livres, des gravures. Donc vous voyez, tout est déjà là pour faire passer de bonnes séances de shopping. C'est ça, parc d'attractions. Yann Sinowiecki. Oui, absolument. Et en parlant des Vauxhall à Paris, il y en a un en particulier qui va défrayer la chronique, littéralement, c'est le Colisée, qui est construit donc dans le faubourg Saint-Honoré, dans le quartier des Champs-Élysées. À partir de 1769, il a une durée de vie éphémère, puisqu'il ferme ses portes définitivement en 1779. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des Vauxhall, donc des espaces de divertissement, des jardins spectacles qui sont construits sur le modèle anglais, mais qui sont des infrastructures capitalistes de loisirs. C'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs privés qui participent au financement de ces infrastructures. Et là où c'est très intéressant, c'est que ce sont des gens qui émanent du milieu des fêtes royales, qui sont souvent entrepreneurs ou artisans sur les chantiers des réjouissances monarchiques. Et ça, c'est absolument passionnant parce que l'on voit apparaître des formes privées de divertissement que la monarchie soutient d'ailleurs, parce qu'elle y trouve un intérêt, dans la mesure où les finances du bureau de la ville subissent une certaine régression dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et le bureau de la ville était chargé d'organiser les réjouissances publiques et les réjouissances monarchiques. Eh bien, le pouvoir royal trouve quelque intérêt à sous-traiter en quelque sorte les réjouissances dans ces espaces de loisirs, de promenade que sont les Vauxhall. Et le Colisée est une infrastructure qui va défrayer la chronique parce qu'elle est, c'est une infrastructure qui est extrêmement coûteuse et qui va subir un certain nombre de vices de construction. Donc c'est une histoire qui est absolument passionnante et il me semble qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire justement pour mieux comprendre cette histoire européenne des Vauxhall qui est une mode en fait que l'on retrouve en Angleterre mais aussi dans l'Empire germanique, etc. Une histoire européenne, et oui, comparaison, on regarde le voisin, oh la belle ville qu'il a, c'est un critère. Le jardin est un critère d'appréciation de la ville, mais le jardin est également un critère d'appréciation puisqu'il est là aussi pour assurer la bonne santé de la population. Nos villes modernes commencent à quitter ce caractère de mesquinerie et d'insalubrité qui jadis leur était propre. Mais ne leur donnerait-on pas plus promptement cette majesté et cet air salubre qu'à voix celle des anciens peuples, si comme eux, ainsi que les Persans et autres orientaux, nous établissions au milieu de nos cités des jardins publics et de grandes places ornées d'arbres. Ce serait un objet de beauté, d'utilité et même de nécessité, où chaque citoyen, principalement parmi les artisans, viendrait se débarrasser des différents miasmes dangereux qu'il aurait pompés et respirés en s'occupant de ses travaux. Le malade et le convalescent y trouveraient non loin de chez lui un remède toujours désiré et difficilement obtenu dans les villes. Un air sain et continuellement renouvelé. C'est Olivier Martineau qui lisait cet extrait d'un ouvrage de 1786 de Mathieu Géraud, Essai sur les fosses d'aisance et de toute espèce de voirie. C'est beau d'entendre combien le jardin est vanté, Emiliane Pépi, pour la bonne santé de la population, mais la préoccupation hygiéniste, eh bien, est là pour porter aussi ces jardins. Tout à fait, et cette préoccupation hygiéniste, on la voit apparaître dès la fin du XVIIe siècle dans des textes normatifs, dans des textes qui préconisent donc l'implantation de ce type d'espace. Donc il faut voir que durant toute la période qui nous intéresse, progressent les connaissances sur le fonctionnement physiologique du végétal, donc les mécanismes de respiration du végétal, ses relations avec l'atmosphère. Et cela va dans le sens de tous ceux qui préconisent la plantation de végétal pour améliorer la salubrité dans les villes. Il y a une autre pratique qui se rapproche, donc non pas de ce que font les malades et les convalescents, mais de ce que cherchent les gens qui veulent maintenir une bonne santé par une activité physique. Donc c'est un petit peu, là aussi, l'ancêtre des 5 fruits et légumes par jour, et n'oublions pas les 10 000 pas, puisque des médecins renommés, comme le docteur Tronchin, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, recommandent la promenade, mais pas n'importe quelle promenade. Pour les dames, il faut des robes spéciales qui laissent découvertes les chevilles, ce qui à l'époque est très sexy, et donc on se munit d'une canne et on essaye de marcher rapidement, un petit peu comme aujourd'hui la marche nordique, pour maintenir le corps à un niveau de bonne forme. Donc là il s'agit d'une préoccupation très forte de la part de ces médecins hygiénistes qui sont en articulation avec une clientèle riche. Yann Sinovietsky. Et à Paris, c'est tout à fait clair, d'autant plus que certains naturalistes comme André Toin insistent très fortement sur la nécessité d'une égale ventilation et distribution des jardins au sein de l'espace urbain pour des raisons aussi bien sanitaires que sociales, parce qu'il s'agit aussi de rapprocher les espaces de verdure des populations pauvres ou des malades. Mais alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que certes, les jardins apparaissent comme des espaces prophylactiques, bénéfiques pour la santé. On est en plein courant de ce qu'on appelle le néo-hippocratisme, qui considère la ventilation, l'aération comme des qualités nécessaires à la ville, qui est connotée très négativement à l'époque. Il faut bien s'imaginer qu'au XVIIIe siècle, on considère la ville comme un lieu de stagnation, des miasmes putrides, des exhalaisons délétères, etc. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au contraire, certains jardins vont se voir contaminés eux aussi progressivement par les pollutions, les premières pollutions industrielles. Et c'est le cas du Jardin du Roi, par exemple, en 1777-79. Le comte de Buffon, le naturaliste, se plaint auprès des commissaires du Châtelet, des odeurs nauséabondes qui proviennent de la rivière de la Bièvre, parce qu'il faut pas oublier que le Jardin du Roi est situé en plein dans un quartier industriel, celui des tanneurs, des mégisseries, etc. Et il se plaint des odeurs infectes qui polluent le Jardin du Roi, les odeurs qui proviennent des eaux d'une boucherie ouverte illégalement à la même époque. Et il se plaint également des exhalaisons qui proviennent des ateliers de maréchalerie qui viennent d'être construits à proximité du Jardin du Roi. Il redoute les conséquences néfastes, justement, pour les plantes de ces ateliers de maréchalerie qui vont exhaler des odeurs fétides, en particulier du fait de la combustion du charbon de terre. Et ça, c'est absolument passionnant parce qu'on voit ici que les jardins sont aussi des espaces qui sont menacés. Menacés par les premières pollutions industrielles contre lesquelles les autorités s'efforcent de lutter de plus en plus. Le jardin du roi, le jardin des plantes aujourd'hui, est menacé déjà au XVIIIe siècle. Yann Sinovietsky, vous êtes enseignant à l'université de Strasbourg et vous êtes l'auteur de Paris en ses jardins, nature et culture urbaine au XVIIIe siècle. Et depuis que nous parlons, il y a un élément qui est constant, c'est qui a accès au jardin. Faire de l'histoire, c'est s'intéresser aux gens. C'est une histoire incarnée et nous sentons qu'il y a une limite très nette. Dans les jardins que vous avez étudiés, c'est compliqué quand même. J'imagine que vous devez avoir énormément de retours, ne serait-ce que par les surveillants qui se plaignent de ce qui s'y passe, parce qu'il s'y passe de drôles de choses. Absolument. Les jardins sont des espaces résolument perméables à toute la contrebande alimentaire. On voit circuler dans le jardin du Luxembourg dans les années 1750-60 de la viande en temps de carême, ce qui est un interdit religieux et alimentaire. On y voit circuler également en fraude du tabac et du vin. Le vin qui est un breuvage lourdement taxé à l'entrée de la capitale. Ce sont des espaces aussi de prostitution. Même si le terme n'existe pas en tant que tel à l'époque, on parle de femmes publiques, de femmes débauchées, de filles licencieuses de mauvaise vie. Mais la prostitution est un fait réel dans les jardins au XVIIIe siècle. Ce sont des espaces de débauchage, de libertinage. Et alors, pourquoi, au fond, ces jardins sont-ils des espaces de déviance? J'y vois une explication, en tout cas pour Paris. C'est que les jardins ne relèvent pas de la juridiction du lieutenant général de police, qui est donc l'institution chargée de du maintien de l'ordre social et de la régulation sociale au sein de la ville. Et la lieutenant générale de police est une institution qui cherche de plus en plus à aspirer les enclaves qui échappent à sa juridiction. Or, les jardins royaux y échappent précisément, puisque c'est la prévôté de l'hôtel qui a juridiction sur les jardins royaux. Et donc, en fait, on assiste dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle à une multiplication des conflits de compétences entre la prévôté de l'hôtel et le lieutenant général de police. Et donc, parfois, des incompréhensions, de véritables micmacs qui rendent très difficile la gestion de l'ordre urbain au sein du jardin. Et ça crée justement ces désordres et ces déviances qui sont très nombreuses et que l'on peut pister d'ailleurs dans les archives. Et puis, le cas du Palais Royal qui est apanage des Orléans et qui sert de petit pôle. Mais Émilie-Anne Pépi, nous avons ici une magnifique histoire sociale à écrire avec l'histoire des jardins dans nos villes, au sens où la rupture de la Révolution est une évidence d'un coup où ces jardins s'ouvrent à tout le monde. Effectivement, l'accès à ces jardins, donc c'est une question qui est passionnante pour l'historien. Et là, l'historienne cherche les sources qui nous permettent d'accéder peut-être à une histoire plus sensible, donc une histoire de la sensibilité au végétal. Donc là, je pense notamment aux écrits du fort privé, c'est-à-dire les écrits qu'ont laissés des gens qui ne sont pas forcément des membres des élites ou des lettrés, hein, ça peut être des gens de catégorie moyenne, qui nous donnent un aperçu assez net de ce que pouvaient être les représentations de tout un chacun sur le jardin. Et il y a une envie d'y aller, parce que nous connaissons bien ces grands travaux d'urbanisme de la fin du 19e siècle, Second Empire, Haussmann, Belgrand. Ils s'inscrivent dans une longue histoire. On peut dire que les grands travaux du Second Empire, c'est un long écho à cette réflexion que nous évoquons aujourd'hui du siècle des Lumières. Tout à fait, et ils répondent, ces travaux du Second Empire, finalement, à des aspirations qui sont déjà formalisées au siècle précédent. Donc ils s'inscrivent dans un contexte un petit peu différent, parce que désormais, les équipes municipales ont les outils juridiques pour pratiquer des aménagements non pas ponctuels, comme c'était le cas au XVIIIe siècle, hein, on parle d'un urbanisme frôleur au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, on peut remanier toute la carte de la ville. Et c'est ainsi que l'urbanisme haussmannien impose un maillage de squares et puis les deux fameux grands parcs qui sont les deux poumons verts de Paris, donc Boulogne et Vincennes, qui permettent une respiration et qui répondent à ces enjeux sanitaires dont on a beaucoup parlé. Et puis les buts de Chaumont, et je rappelle combien cette politique va se retrouver dans toutes les villes, c'est ça qui est passionnant. Merci vivement à tous les deux de nous avoir ouvert les portes de ces jardins. Émilie-Anne Pépi, je rappelle, La ville végétale, une histoire de la nature en milieu urbain, et puis Ces paysages inhumains, qui vient d'être publié aux presses universitaires Savoie-Mont-Blanc. Et merci à vous, Yann Sinowietzki, avec Paris en ses jardins, cette nature et culture urbaine qui nous a intéressés aujourd'hui. Merci à tous les deux. Il est temps maintenant de retrouver Gérard Noiriel avec Le pourquoi du comment. Faut-il déplacer les usines à la campagne ? Alphonse Allais, un célèbre humoriste du XIXe siècle, a dit un jour « Les villes devraient être construites à la campagne, l'air y est tellement plus pur ». C'est ce genre de paradoxe qui a été remis au goût du jour en septembre 2001, juste après l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, lorsque des voix se sont élevées pour que les usines dangereuses soient éloignées le plus possible des agglomérations. Loin d'être inédite, cette question s'est posée dès le début du XIXe siècle. Pour tenter de régler les litiges qui opposaient les industriels aux habitants et aux propriétaires terriens, le décret du 15 octobre 1810 décida que désormais, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourraient plus être ouverts sans une permission de l'autorité administrative. Les établissements concernés furent alors divisés en trois classes, selon les inconvénients de leur fonctionnement. Ceux qui étaient considérés comme les plus polluants furent relégués dans les zones les plus éloignées des habitations particulières. Au cours des décennies suivantes, la création des conseils d'hygiène publique et de salubrité, composés d'un grand nombre de médecins, a introduit la notion de santé publique dans l'interprétation du décret de 1810. Les archives de ces conseils donnent une idée des plaintes qu'ils recevaient fréquemment concernant les conditions de travail. En 1836, le rapporteur note, à propos d'une fabrique d'acide sulfurique lyonnaise, que des ouvriers se sont plaints de toux sèches, d'étourdissements, de maux de dents, et ont déclaré que l'inspiration forcée des vapeurs sulfureuses avait causé, chez plusieurs d'entre eux, un crachement de sang abondant. Pour améliorer les conditions de travail des ouvriers, des mesures furent prises visant notamment à aérer et à ventiler les locaux. Mais ces modifications internes aux établissements insalubres ne réglèrent pas le problème des nuisances pour leur environnement urbain. L'éventualité de déplacer les usines à la campagne fut à nouveau évoquée, encouragée désormais pour des raisons politiques. Installer des manufactures loin des villes était une manière de limiter l'exode rural, car celle-ci donnait du travail aux ouvriers paysans, leur permettant de compléter leurs ressources, surtout en hiver. À une époque où on pensait que le déracinement du prolétariat dans les grandes villes était la cause principale des révolutions, réduire les mouvements migratoires apparaissait comme un facteur de paix sociale. À la fin du XIXe siècle, la seconde révolution industrielle, fondée sur l'industrie lourde, eut pour effet de marginaliser ce genre de réflexion. Il faudra l'émergence des préoccupations environnementales dans les années 70 et la place croissante accordée par les médias aux accidents industriels pour qu'émergent à nouveau des propositions visant à éloigner des villes les établissements jugés dangereux. La législation actuelle a entériné partiellement ces revendications puisqu'elle permet de vider de leurs habitants les secteurs les plus exposés. Mais plutôt que d'envoyer les usines à la campagne, le but des pouvoirs publics consiste plutôt aujourd'hui à faire revenir la campagne aux portes des usines. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission printanière préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Vudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Valentine Lovrens. Cette émission et toutes les précédentes sont évidemment à retrouver, à écouter sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.